gumpa re le pa koro pa e jare o gumpa re le pa koro pa e jare o gumpa re le pa koro.